Chapitre 10e. Le lendemain, le premier travail de Louis fut d'aller trouver Marcel et de lui expliquer ce qu'il attendait de lui concernant la fermeture des portes. Celle du porche devait être fermée à clé en permanence et chaque occupant ou visiteur devait le sonner pour pénétrer dans l'immeuble. « Mais docteur, il faudra que j'ouvre à chaque fois les portes quand le major rentrera sa voiture dans la cour. »« Eh bien, c'est comme ça. Mais ne t'inquiète pas, c'est Hans qui s'en chargera. » Aucun inconnu ne doit pénétrer dans l'immeuble sans que tu saches de qui il s'agit. « Tenez, » dit Marcel en tendant une enveloppe à Louis, « un gosse vient de porter une lettre pour vous. » Le docteur ressentit très nettement l'adrénaline irradier son corps. Une enveloppe, un gosse, rien de bon en perspective. « Tu ne sais pas qui est ce gosse ? Tu ne lui as pas demandé son nom ? Vous pensez, il a filé comme un lièvre et avec ma jambe, d'ici à ce que je le rattrape ? » ?»« Nom de Dieu, c'est le même gosse que l'autre fois. » « Franchement, je ne peux pas vous l'affirmer, docteur. » Louis remonta dans son cabinet et ouvrit fébrilement l'enveloppe. La missive était tapée à la machine. « Cher docteur et compagnon, vous avez bien fait de suivre prudemment nos conseils. Vous avez ainsi échappé au pire. Malheureusement, vous ne pouvez rien faire pour éviter les arrestations. À l'avenir, continuez donc à nous faire confiance. Voici venu le moment d'exercer les talents pour lesquels nous vous avons contacté. La cible se nomme Sergueï Polyakov et demeure 18 rue Augereau au deuxième étage. Vous le reconnaîtrez aisément, c'est un homme d'une cinquantaine d'années qui porte moustache et lunettes. Il s'agit d'un espion qui était censé transmettre aux Anglais de fausses informations pour le compte des services secrets allemands. Jusque-là, il jouait loyalement son rôle d'agent double et nous donnait de vrais renseignements sur l'Allemagne en échange de faux pour les services secrets allemands. Depuis quelque temps, il a inversé le processus. Il transmet aux Allemands de vraies informations sur nous et nous donne en échange des fausses sur les nazis. Vous devez donc l'effacer dans les plus brefs délais pour faire cesser cette hémorragie. Comme nous ne voulons pas créer de représailles sur un des nôtres, nous comptons sur votre savoir-faire pour que ce soit une disparition naturelle. Nous vaincrons. Vive la France libre, bien cordialement. P.S. Détruisez immédiatement ce billet. Il dut s'asseoir car il ressentait un vague malaise, comme s'il avait une crise de foi. Puis, il se dirigea vers l'armoire et en sortit la bouteille de cognac. Finalement, il se ravisa, posa la bouteille, craignant de se faire vomir avec une dose d'alcool. Que fallait-il faire ? Passer outre et négliger cette mission ? S'en ouvrir à Odette, qui serait morte d'inquiétude ? En parler à Léopold, pour le mettre enfin au courant du marché qu'il avait passé bien malgré lui ? Il posa le front contre le bois froid de son bureau et réfléchit. Il allait devenir un tueur à gages. Ce dernier vocable ne signifiant pas, dans son cas, un salaire, mais une pénitence, une punition, comme on en a une dans un jeu. S'il avait été seul en cause, il aurait fait la sourde oreille en attendant de voir ce qui se passerait. Mais le ton de la lettre lui prouvait deux choses. D'une part, ces types ne reculaient devant rien pour éliminer quelqu'un. D'autre part, le début de la lettre montrait qu'ils étaient parfaitement au courant des actions menées par la Gestapo. Il devait avoir une taupe au sein des services. Par conséquent, une dénonciation ne devait poser pour eux aucun problème, et son arrestation serait menée rondement, suivie de celle d'Odette, des Meyers, de David, et peut-être même des Beauchamp pour ne pas laisser de traces. Bien sûr, ce qui le tenaillait le plus, c'était le sort d'Odette et de David. Il fallait aussi qu'il récupère l'émetteur chez Léo. Malheureusement, il les avait entendus partir de bonne heure ce matin. Il lui faudra donc attendre la soirée. Comme un condamné montant à la potence, il sortit le matériel qu'il avait préparé. Sa seringuette de mort, comme il l'appelait, et ses précieuses ampoules, de la tubocurarine, bien évidemment, mais aussi de la digitaline, du chlorure de potassium, de l'insuline, du laudanum, de la morphine, au cas où il manquerait son coup avec le curare. Il avait dans son square mouth de quoi anéantir toute la population d'un immeuble, mais aux yeux de la police, vu sa profession, ça ne faisait pas forcément de lui un assassin. Il décida de se débarrasser de cette corvée immédiatement, sans continuer à réfléchir indéfiniment. De toute façon, il n'était pas dit qu'il tombe du premier coup sur sa victime. Il allait prendre son matériel au cas où la chance le favorisait, sinon il ferait une reconnaissance pour préparer plus minutieusement son coup. Il voyait à peu près où se trouvait la rue Augereau, dans le 7e arrondissement. Pour passer le plus inaperçu, il décida d'y aller en vélo. Le soleil et la température de ce début septembre l'invitaient à la balade. Sa sacoche attachée sur le porte-bagages du vélo, il longea la rue de l'Estrapade et la rue Malebranche. Il était fort possible qu'il fût suivi. Aussi, arrivé rue Soufflot, il fit une halte et laissa passer les cyclistes qui empruntaient la même rue que lui. Il dévisagea chacun d'eux, mais ne remarqua rien de louche. Plusieurs fois, dans la longue rue de Grenelle, il eut le temps de se retourner pour observer les hypothétiques suiveurs. Mais là encore, rien d'anormal. Cette longue virée en vélo lui permit d'observer les trop nombreuses oriflammes nazies, la profusion de croix gammées et les pancartes en bois blanc écrites en gothique. Il ne restait pas grand-chose de ce qu'il avait connu 2 ans auparavant. Paris était occupé, occupé mais défiguré. Même un aveugle l'aurait remarqué. Les rues étaient quasiment désertes. On se serait cru à la campagne. Il vit même une poule, certainement échappée d'une cave, traverser la rue, poursuivie par son propriétaire qui vociférait. Un homme suivait à la trace un cheval avec une petite pelle et ramassait religieusement son crottin pour fertiliser les plantations sur son balcon. C'était à se demander si les gens travaillaient ou s'ils passaient le temps à glaner, comme les serfs au Moyen-Âge. Parvenu devant le 18 de la rue Augereau, Louis avisa une grille de fenêtre au rez-de-chaussée et y attacha son vélo avec soin, puis il défit son bagage, profitant pour reprendre son souffle et calmer son cœur alarmé. L'immeuble du 18 était un beau bâtiment, d'aspect assez cossu. Il pesa sur la porte d'entrée qui s'ouvrit sans problème, personne en vue. D'un pas assuré, il prit la cage d'escalier en essayant de faire le moins de bruit possible. Ayant dépassé le premier étage, il fit une pause, ouvrit sa sacoche et en sortit la seringuette qu'il cacha au creux de sa main gauche. Il parvint ainsi au 2e palier sur lequel portaient 2 portes, l'une au nom de M. Mallart, l'autre anonyme. Il frappa à cette dernière et remarqua qu'elle était légèrement entr'ouverte. « Entrez, c'est ouvert !» lui fut-il répondu. Il pénétra donc dans le hall sur le qui-vive. « M. Poliakov ? » demanda-t-il timidement. « Entrez, docteur. Je suis dans la chambre, à gauche du couloir. » La voix était faible, lasse. On y sentait une respiration difficile, presque au bord du râle. Sur le lit, un homme chauve portant lunettes était étendu, en tricot de peau et en chaussettes. Il était couvert de sueur. Ses yeux enfoncés et mobiles reflétaient la plus profonde anxiété. Son corps était parcouru de frissons et il grelottait comme s'il était transi de froid. « Vous avez les doses, docteur ? Je suis au bout du rouleau. Si je n'ai pas ma piqûre, je vais y passer, je le sens. » Le cerveau de Louis fonctionnait à 100 à l'heure. Cet homme attendait un toubib, de toute évidence. Il avait un fort accent de l'Est. Il fallait s'assurer qu'il s'agissait bien de son client. « C'est bien vous, monsieur Poliakov ?»« Mais oui, merde, quoi ! Je ne vous ai pas téléphoné pour des nefles. J'ai besoin de morphine, et mon fournisseur m'a fait défaut. Dépêchez-vous, nom de Dieu, j'ai mal partout. »« Calmez-vous, j'ai ce qu'il vous faut, » dit Louis en ouvrant sa sacoche. Il y rangea sa seringuette, et en sortit une ampoule de morphine dont il cassa un bout. Puis, il posa sur la table de chevet une petite boîte de fer blanc contenant une seringue. L'homme le regardait faire, anxieux. Lorsque Louis ouvrit la boîte, l'homme l'arrêta. « Attendez, prenez ma seringue, je préfère. Elle est là, dans la table de nuit. Prenez aussi le carreau. » L'homme, déjà calmé dans l'attente de son injection, s'enhardit. « Oh, et puis donnez-moi l'ampoule. Je vais faire la piqûre moi-même. J'ai tellement l'habitude. Je connais bien mes veines. » « Ah, et puis j'ai laissé sur la table, de quoi vous payer. » L'homme se redressa sur ses oreillers et serra son garrot. Louis lui tendit la seringue et le morphimane se piqua d'un geste sûr et familier. Il défit le garrot avec ses dents. La morphine commençant à irradier ses veines, il reprit ses esprits en même temps que son calme. Louis lui tamponna les tempes avec un coton imbibé d'alcool. « Ah, ça va mieux, » dit l'homme. « Mais comment savez-vous que je m'appelle Poliakov ? Personne ici ne m'appelle comme ça. » « C'est pourtant ce nom-là que vous m'avez donné au téléphone, » mentit Louis avec assurance. « Vous êtes sûr ?»« C'est vrai que j'étais au bout du rouleau. » L'injection était terminée. L'homme, parfaitement détendu, la seringue encore dans sa main, commençait à s'assoupir après son épuisante phase de manque. Il marmonna en allemand. « Ich habe meinen Namen nicht gegeben. Ich habe Kromberg, nicht Poliakov gesagt. » Je n'ai pas donné mon nom, j'ai dit Kromberg, pas Poliakov. Sa respiration se ralentit peu à peu. Louis se demandait comment conclure la visite. Le médecin auquel Poliakov avait vraiment téléphoné allait arriver, et il fallait disparaître avant. L'espion était maintenant profondément endormi. Louis cassa une autre ampoule de morphine, la vida dans le lavabo de la chambre, puis la plaça côté de l'autre sur la table de chevet, en prenant la précaution de manipuler ses objets avec son mouchoir propre. Puis à l'aide de sa seringuette, il piqua Polyakov au même endroit que la précédente piqûre et lui injecta une petite dose de curare. L'homme battit seulement des paupières puis replongea bien évidemment dans les bras de Morphée. Louis plia bagage sans plus attendre, ferma la porte sans bruit et enfourcha son vélo pour retourner chez lui. Il se sentait extrêmement léger, soulagé, victorieux, fier de lui. C'était facile, finalement. À quelques mètres de l'immeuble, il croisa un homme à pied portant une sacoche comme la sienne, les cheveux blancs et la démarche prudente. Il était fort possible que ce fût le médecin appelé par Polyakov. Louis était à peu près sûr que son confrère, trouvant les deux ampoules de morphine vides, conclurait que le morphinomane avait forcé la dose. Conséquence, respiration se ralentissant jusqu'à l'arrêt total, provoquant finalement l'arrêt cardiaque. Tous les médecins connaissaient bien le processus. Le confrère essaierait peut-être de relancer le cœur du patient par une injection de digitaline, mais malheureusement le curare, ayant pour effet de bloquer les muscles du sujet, rendrait la manœuvre totalement vaine. Pris d'une soudaine curiosité, il fit demi-tour et aperçut l'homme qui entrait dans l'immeuble de Polyakov. Ah, n'en pas douter, c'était bien le médecin attendu. Louis avisa alors la devanture d'un café voisin. Autant y attendre discrètement la suite de l'épisode. Il entra et demanda un cognac, histoire de se requinquer. Le patron du café désert désigna du pouce une ardoise derrière lui. « Vous savez lire ? C'est jour sans alcool, monsieur. De toute façon, vous savez bien que je n'ai pas le droit de vendre des alcools de plus de 16 degrés. » Louis n'arrivait pas à se faire à toutes ces restrictions compliquées qui exigeaient qu'on se balade avec des carnets pleins de précieux petits tickets qui s'en échappaient. Ordinairement, c'était Odette qui s'occupait de tout ça. Elle possédait un portefeuille de belle taille, gonflé à craquer. Il fallait des tickets pour tout. Pour la viande, pour le pain, pour le vin, pour le sucre, pour les chaussures, pour les vêtements. Et ils étaient tous différents. Un vrai casse-tête. Une fois les tickets en poche, la bataille pour manger ne faisait que commencer. Il fallait faire des queues interminables, qui souvent ne servaient à rien car le commerçant tirait son rideau dès qu'il n'avait plus rien à vendre. Louis enfouit sa main dans sa poche et la posa à plat sur le comptoir, laissant dépasser un billet. Sans un mot dire, le patron passa dans l'arrière-boutique et revint avec une tasse de café qu'il portait avec précaution. « Voilà, » dit-il en faisant glisser le billet sous sa paume, « et soyez discret si quelqu'un entre. » Louis alla s'asseoir à une table d'où il pouvait observer l'entrée de l'immeuble derrière la vitre. Il buvait sa tasse à petite lampée, se calmant progressivement quand il eut un haut-le-cœur. À une vingtaine de mètres, il reconnut, au bord du trottoir, les fesses sur la selle et les bras croisés, le dénommé Lambert. Il était bien reconnaissable à sa casquette à la rouletabille et son pantalon de golf. Mais d'où sortait-il, celui-là, nom de Dieu ? Il observait lui aussi l'entrée de l'immeuble. La première intention de Louis fut de lui tomber sur le poil pour lui faire avouer qui était derrière les lettres que Louis recevait. Mais les passants étaient rares, et une altercation ne passerait pas inaperçue. Il décida donc d'attendre à son poste d'observation. Il comptait ensuite filer Lambert pour en savoir plus. Au bout d'un quart d'heure, un quart de police secours déboula dans la rue et stoppa au pied de l'immeuble. Quelques minutes plus tard, les agents sortirent de l'immeuble avec une civière sur laquelle un corps était étendu, recouvert d'un drap. Le médecin aux cheveux blancs suivait la civière. Lambert quitta le trottoir et se porta à la hauteur du groupe. Jouant le badaud curieux, il mit pied à terre et s'adressa à un agent. Il s'enhardit et alla même jusqu'à demander au médecin ce qu'il en pensait. « Arrêt respiratoire par surdose, » répondit celui-ci. « Mais je ne comprends pas pourquoi il m'a fait venir puisqu'il avait suffisamment de morphine pour assommer un cheval. Quelqu'un a dû lui en amener avant moi. » Puis, d'un geste, un agent fit signe à Lambert de déguerpir. Entre-temps, Louis avait déjà enfourché son vélo et se tenait prêt à filer Lambert de loin. Ce dernier reprit la rue de Grenelle, puis tourna à droite dans l'avenue Bosquet, puis à gauche dans la rue du Champ-de-Mars. Il emprunta ensuite l'avenue de la Motte-Piquet, tourna à droite dans la rue du Vivier et pénétra dans un immeuble de 5 étages à la façade grise. Louis se demanda pourquoi Lambert n'avait pas tout simplement suivi la rue de Grenelle, qui l'aurait mené tout droit à rue du Vivier. Pourquoi ce parcours à angle droit ? Est-ce que l'homme aurait voulu vérifier s'il était filé? Pourtant, Louis suivait Lambert de si loin que quelquefois il le perdait de vue. Que faire? L'homme était entré avec son vélo à l'intérieur. Il habitait peut-être l'immeuble. Combien de temps faudrait-il que Louis attende qu'il ressorte pour continuer sa filature? N'y tenant plus, il arrima son vélo à un arbre et entra dans l'immeuble. Il monta l'escalier avec précaution, tous les sens en éveil, passant près des portes pour essayer de capter la voix de Fosset de Lambert. Parvenu au dernier, il fit une pause et se pencha par-dessus la rampe pour épier la cage d'escalier. Tout d'un coup, il perçut des voix et reconnut celle de Lambert qui disait « Allez, nos affaires avancent, préviens qui tu sais. » Ce à quoi l'autre répondit « Fais attention à toi, Robert. À bientôt. » En se penchant bien, Louis repéra la porte du troisième où étaient les gens, après quoi cette porte fut refermée et Lambert, ou Robert, dévala l'escalier. Louis descendit aussi vite qu'il put pour continuer sa filature. Mais arrivé dehors, il eut beau se tourner dans tous les sens, Lambert avait disparu. Il fallait un bon quart d'heure pour rentrer à la maison, et il était près de midi. Louis se dit qu'il était temps de rentrer pour ne pas inquiéter Odette, d'autant qu'il devait cacher où il allait. Mais auparavant, il remonta au troisième et releva le nom sur la porte, Crissier. « Toujours ça de prix, » se dit-il en redescendant. Revenu directement dans son cabinet, il eut soudain une sorte de vertige comme s'il sortait d'un rêve ou d'un cauchemar. Ce qu'il venait de vivre l'effrayait soudain. L'autre, celui qu'il avait été durant cette matinée, lui faisait peur. Avec effroi, il revoyait nettement le faciès de cet homme qu'il ne connaissait pas et ne connaîtrait jamais, se dissoudre peu à peu dans le néant. Le bras, la seringue étaient là devant ses yeux. Tout cela appartenait à l'autre, pas à lui. L'idée qui lui trottait dans la tête lui apparut clairement. Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Voilà ce qu'il était devenu, un schizophrène dangereux. Il se rua dans la cuisine pour voir Odette qu'elle lui dise ce qu'il était, le rassure en lui tenant des propos anodins, qui renverraient son acte à une des banalités de la journée. Il s'efforça de lui répondre et de chasser ses visions de cauchemar qui le hantaient. Petit à petit, il y parvint, mais Odette remarqua qu'il n'était pas tout à fait dans son assiette. « Que se passe-t-il, Louis? Dis-moi la vérité, » lui demanda-t-elle en plantant son regard dans le sien. « Ça y est, j'en ai tué un. Ce matin, » lâcha-t-il dans un souffle. « Assieds-toi, raconte. Ne garde pas ça pour toi, il faut l'évacuer. » Louis lui raconta toute sa matinée. « Bien sûr, » dit Odette, « c'est la disparition d'un être humain. Mais c'est aussi un ennemi de la France en moi. Il faut voir les choses comme ça. Mais il ne faudrait pas qu'il y en ait d'autres, car je n'ai pas rêvé de vivre aux côtés d'un assassin. » Sur ce, elle lui passa la main dans les cheveux et l'embrassa sur la joue. Il ne put avaler aucune nourriture et se contenta d'un ersatz de café. « Tu crois que je deviens fou ?» lui demanda-t-il d'un ton angoissé. « Mais non, mon chéri, c'est la guerre. Maintenant on y est en plein, voilà. »